nouveautés techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler, mais... Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 27 novembre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, likibd.com. Le Théâtre Niveau Parking présente Fire Lake, Ville-Minière, 1986. Mise en scène par Lorraine Côté. J'ai un trou à l'intérieur de moi, puis toi avec. C'est tellement grand que si on est d'un bord, on voit pas l'autre. Les habitants s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour survivre. Tu penses que tu peux le remplir avec quelque chose? On pourra jamais le remplir, Joseph. Fire Lake, du 8 novembre au 3 décembre au Théâtre Périscope. Pour réservation, 418-529-2183 ou sur pointdevente.com. Ce soir, à l'aérospatiale, une discussion autour de l'exposition collective Les grands espaces à regard, un retour sur l'œuvre Infrastructure d'Aurel Ferrier à présenter à la bande vidéo et une entrevue avec Édith Brunette sur le projet Journée sans culture. Alors, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue à cette édition du 8 novembre de l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Sarah Bélanger-Martel au micro, encore avec vous cette semaine pour une autre émission où on fait la place aux artistes, dont un peu plus tard en émission, Édith Brunette, une artiste montréalaise qu'on va rejoindre au bout du fil pour nous parler de l'initiative collective Journée sans culture qui vient de lancer une publication « Troubler la fête, rallumer la joie ». Donc, on va en parler en deuxième moitié d'émission. On va également entendre des artistes qui participent à l'exposition Les grands espaces qui est en ce moment présenté au Centre Regard à Lévis. On a également la directrice du Centre Regard qui sera avec nous. Et certains artistes qu'on a même attrapés le soir du vernissage, vendredi dernier, un vernissage fort festif. Vous pourrez l'entendre, on a fait des petites capsules d'entrevue. Alors, on va en diffuser en ondes tout au long de cette grande entrevue, en fait, qui prendra la première moitié de l'émission. Et enfin, on a aussi notre chroniqueuse Marie-Claire Tremblay qui nous fera un retour sur l'exposition Infrastructure d'Aurel Ferrier qui est présentée à la bande vidéo. Donc, restez avec nous. Mais tout d'abord, on vous présente un premier extrait de la sélection audio de Simon Roy, notre commissaire musical en résidence, qui sillonne toujours les internets pour nous trouver des découvertes. Et cette semaine, il a fait une sélection d'une étiquette web russe qui donne vraiment dans l'expérimental. Donc, on en écoute un premier extrait de l'artiste qui s'appelle Eric Upheaval et l'album s'appelle Birthday Party Intelligent. Alors, on écoute un premier extrait. We'll be right back. l'arbre. On a de la belle visite encore une fois en studio. Avec nous, on a la directrice de Regard, Amélie-Laurence Fortin. Bonjour. Bonjour, Sarah. Bonjour. Et on a également deux artistes qui présentent leur travail dans l'exposition Les grands espaces à Regard en ce moment. Donc, on a Anne-Marie Proulx. Bonsoir. Bonsoir, Sarah. Et on a Annie Charland-Thibaudeau qui est avec nous aussi. Bonsoir, Annie. Bonsoir. On est vraiment contents de vous avoir toutes les trois. On aura aussi, on va entendre des gens qui ne sont pas ici physiquement, mais qui étaient avec nous vendredi dernier au vernissage de cette exposition-là, qui est vraiment une exposition collective qui entre dans un thème un petit peu plus large qui a été développé à la direction artistique de Regard. Et Amélie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui, de cette programmation qui a été élaborée autour du thème des expositions collectives, ou je te laisse Merci, je te laisse te lancer. D'abord, merci de nous recevoir. C'est toujours le fun de venir à ces KRL aérospatiales et avec toi d'autant plus. Cette année, Regard entre dans son 30e anniversaire. Regard, c'est un centre d'artistes. Donc, on a remarqué que dans les 30 dernières années, il y a eu beaucoup de transformations sur l'idée du centre d'artistes. Au début, les centres d'artistes, c'était vraiment l'idée du collectif, donc un groupe d'artistes qui se retrouvaient ensemble, soit créer un espace d'atelier, soit créer une idée d'une exploration. Ensuite, on commençait à avoir des espaces de diffusion ou des espaces de production. Dans le cas de Regard, c'était surtout des espaces de diffusion. Et puis, j'ai remarqué, ça fait quelques années maintenant que je suis à Regard, c'est 3 ans maintenant, j'ai remarqué que l'idée de la collectivité, c'était un petit peu effacé avec le temps. Puis je trouvais que c'était cette idée-là du 30e anniversaire, le meilleur moment pour réfléchir à qu'est-ce que Regard est devenu avec le temps, qu'est-ce qu'un centre d'artistes, qu'est-ce qu'une collectivité. Puis rassembler à nouveau la communauté autour de Regard un petit peu. Pas autour de Regard, mais les artistes entre eux. Mm-hmm. Parce que dans les dernières années, les années en fait que moi j'ai vécu comme directrice générale et artistique, j'ai vu des expositions solo. Donc l'ensemble des expositions solo me disait, c'est super, les artistes présentent leur travail, un travail abouti, une recherche intéressante, singulière, mais comment les mettre ensemble, ces artistes-là? Je voyais avec le temps, à force de voir plusieurs artistes, à force de voir plein de jurys aussi, des œuvres qui, des fois, avaient des familiarités, des artistes qui parlaient de la même chose, mais qui se connaissaient pas. Puis, au lieu de jouer au jeu du commissariat, parce que maintenant, il y a des commissaires qui font ce jeu-là de choisir des œuvres, je me suis plutôt laissée guider par les propositions qu'on recevait, mm-hmm. et puis de créer de cette façon-là, des ensembles, donc mm-hmm. comme des grandes familles. Donc, on a décidé que toute l'année allait être comme ça. Oui, et d'ailleurs, vendredi dernier, j'ai pu en parler un petit peu, vraiment de ce processus de sélection-là avec Audrey Demers-Roberge, qui est membre de Regard, qui est une artiste membre de Regard, mais qui est aussi impliquée dans le comité de sélection Audrey, jury. Audrey est sur le conseil d'administration, puis ce que je lui ai proposé à mon équipe, en fait, à toute cette collectivité de Regard l'année passée, c'était de définir un nouveau mode de sélection en jury qui est, on va dire, non orthodoxe mm-hmm. par rapport à ce que moi je connaissais, ce qui se fait aussi dans le milieu. Donc, c'était de demander... Oui. Donc, on va, certainement, excuse-moi. D'ailleurs, Audrey nous en a parlé longuement. Oui. On va mettre un petit extrait de cette Audrey, en fait, qui va nous expliquer le processus de sélection. Et vous allez entendre, en fait, en arrière-plan, la fête du vernissage. Alors, on s'excuse à l'avance si ce bruit, prenez-le comme un côté festif. Alors, on écoute tout de suite Audrey Demers-Roberge qui nous parle du processus de sélection pour cette exposition à Regard. On a reçu des propositions des artistes, mais qui n'étaient pas comme une description de projet ou un projet solo. C'était quelques œuvres à eux qui avaient sélectionné. Fait que nous autres, en fait, on a choisi nos œuvres préférées avant même de choisir un artiste en soi. Mm-hmm. Puis on est arrivé avec un certain nombre, puis on a décidé de faire des ensembles entre ces œuvres-là. Puis ça s'est fait, je pense, celui qui s'est fait le plus rapidement, c'est l'Expo Les Grands Espaces. Rapidement, on a trouvé un lien entre 5-6 artistes. Finalement, on en a pris 4. Mm-hmm. Puis rapidement, c'est ça, la synergie s'est créée. Puis non seulement on a choisi des œuvres qu'on voit en ce moment en galerie, mais il y a aussi eu... sur place, les artistes avaient la liberté quand même de soit modifier ou même faire une collaboration. C'est ce qui est arrivé avec Annie puis Anne-Marie. Mm-hmm. Fait que malgré comme toute la liberté qu'on leur donnait, on est vraiment arrivé au résultat, je pense, qu'on espérait, cette espèce d'ensemble là, créé assez cohérent. Dans beaucoup de... Alors, oui, et justement, Audrey nous parlait de ces collaborations qui ont eu lieu. Et en studio, on a justement deux artistes qui ont collaboré, qui ont présenté aussi leur travail personnel, mais qui ont eu des collaborations, des liens qui se sont créés par l'exposition collective. Donc, vraiment, Amélie, tu nous parlais de l'idée de faire connaître des artistes entre eux. Alors là, ça a été très fructueux dans ce cas-ci. Annie, Anne-Marie, comment vous avez vécu ça, cette expérience de non seulement d'exposer avec d'autres personnes, mais là, tout d'un coup, qu'il y avait des ponts assez forts qui se créaient pour qu'il y ait des collaborations véritables qui se passent? Ben, Audrey parlait de liberté, en fait, beaucoup là dans ce qu'on pouvait faire avec cette exposition-là. Puis ce qui est intéressant, comme le processus de sélection a joint des artistes qui se connaissaient pas nécessairement, ce qui est le cas pour Anne-Marie et moi, ben ça crée une belle rencontre entre personnes, mais aussi entre nos pratiques, parce qu'il y avait une bonne familiarité plastique déjà dans nos travaux. Donc, c'est Anne-Marie, en fait, qui m'a contactée, puis on a fait quelques rencontres, puis on a développé vraiment un projet pour cette exposition-là. Oui, puis dans nos travaux respectifs, en fait, il y a une familiarité, mais il y a aussi une différence dans la manière dont on travaille, parce qu'on Annie travaille surtout en sculpture, en installation, tandis que moi, je travaille plutôt en photographie, en écriture, mais il y avait quand même des beaux liens à créer entre nos deux projets, nos deux manières de travailler, puis c'est comme ça que ça a débuté, en fait, par... des liens naturels qui étaient déjà existants dans nos pratiques. Et si on pense d'ailleurs au titre de l'exposition, les grands espaces, il y a toutes sortes de prolongements qu'on peut faire dans l'idée de l'espace, dans les différentes pratiques qui sont présentées. Amélie, c'est une thématique qui a été, ou un titre, en fait, ça a été développé en voyant le lien entre les œuvres, ou c'était une volonté dès le départ de trouver des artistes qui travaillaient en quelque part sur l'idée d'espace ou de territoire ou de paysage même? Bien, il n'y a pas eu vraiment de volonté de prime abord de la part du jury. On a vraiment regardé les œuvres puis des récurrences. Donc, dans tous les dossiers, on en a reçu de très nombreux. Dans tous les dossiers, il y avait cette récurrence-là sur une sorte de... d'espace territorial, mais large, dans une perspective large. Donc pas seulement le paysage avec des arbres dedans, ou pas seulement des montagnes ou des trucs comme ça, mais vraiment plusieurs artistes qui travaillaient à partir soit carrément Laurent Lévesque, qui travaille à partir de l'océan. Donc c'est une vidéo avec un océan qui revient en loupe sans arrêt, donc la mer de Bering, ou d'ailleurs, si je peux me permettre, justement tu parles de la pratique de Laurent Lévesque, je vous en présente un court extrait de cette, où il va nous parler de sa pratique et de cette œuvre-là en particulier. Vous allez pouvoir l'entendre à ce sujet-là. Alors, Laurent vous parle à l'instant. Dans beaucoup des projets que j'ai faits, il y a cette dimension-là du cadrage très presque claustrophobique, tu sais, où on a l'impression d'être enfermé à l'intérieur de ce cadrage-là. Puis dans Adam's Home, c'est très présent. Mm-hmm. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est une expérience très répétitive, mais qui montre quelque chose qui est aussi extrêmement dépouillé. Mm-hmm. C'est un paysage presque monochrome, qui se déploie, qui bouge, qui s'agite. Alors donc, la notion d'espace qui peut être à la fois des grands espaces, mais même dans le cas de Laurent, quelque chose de presque... Il y a la mer, la haute mer, grand espace, mais presque claustrophobique, comme il décrit aussi. Mais à la fois, je pense que Laurent, il vient de nommer quelque chose qui est important dans la sélection des artistes, ça a été le dépouillement. Il y avait une forme de dépouillement dans les œuvres, une sorte de singularité malgré le dépouillement. Donc, cette espèce d'espace, oui, l'espace évoqué par l'artiste, mais aussi l'espace pour le spectateur d'entrer dans l'œuvre, beaucoup de générosité dans un espace d'accueil qui a frappé tous les membres du jury, qui permettait aussi à ces œuvres-là de se rejoindre. Donc beaucoup, c'est sûr que c'est mon expérience personnelle, mais si vous connaissez les artistes, vous allez vous rendre compte que c'est à peu près la même chose aussi. Donc, les artistes portent ça aussi en eux. Donc, on savait que ça allait être un match parfait. Oui. Et d'ailleurs, dans l'espace de la galerie aussi, on le sent, il y a quelque chose qui est créé, les ponts qui sont faits, notamment, je pense à cette grande image, Anne-Marie, qu'on voit en entrant, qui réagit aussi avec les images, le polyptyque de Martin Desilets, qui est ton image à toi, elle est en noir et blanc. Son image, elle va vraiment explorer la densité de la couleur. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent dans les écarts entre la façon de traiter aussi l'image photographique. L'image photo, elle est très, très présente aussi. Je ne sais pas si tu avais des... pour parler un peu de cette... Parce que toi, en plus, c'est une photo, si j'ai bien compris, c'est une photo d'une photo aussi. Oui. Il y a cet espace représenté là aussi. Oui, il y a une forme de mise en abîme dans la photo que je présente au fond de la galerie. C'est une photo d'une photo. Donc, la première photo, en fait, c'est pas moi qui l'ai prise. Je l'ai vue à quelque part sur la côte nord pendant que j'étais en déplacement là-bas. Puis, je l'ai prise en photo, mais je sais pas où a été prise cette première photo-là. Puis, ce qui est arrivé par la suite, en fait, c'est que en revenant chez moi, quand j'ai développé mes photos, puis que j'ai regardé ce que j'avais sur mes négatifs, j'ai découvert cette image-là, puis je me rappelle pas où je l'ai prise. Donc, la photo que je présente, c'est un travail qui est sur la destruction de la mémoire et la destruction du paysage d'une certaine manière. Donc, à la force d'être reproduit, on en perd des détails. Ça devient quelque chose d'un peu abstrait. Puis je pense que quand Amélie parlait de dépouillement, bien, je pense que c'est quelque chose qu'il y a dans la plupart des œuvres présentées dans l'exposition. C'est qu'il y a une tentative d'abstraction, une tentative de créer du rêve à partir d'éléments qui viennent du réel. Donc, quand on pense à paysage, on pense à quelque chose qui est assez reconnaissable. On voit une ligne d'horizon, des arbres, des roches. Mais dans l'exposition, on est vraiment dans des œuvres qui vont aller chercher des éléments abstraits de tout ça, sortir de ce cadre-là pour voir autre chose. Oui, puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, je trouve, dans la notion de cadrage, bon, qui est très présente dans l'œuvre de Laurent, dans ton œuvre aussi, c'est une photo d'une photo. C'est souvent, on parle d'un regard sur un espace, et là, il y a comme toutes sortes de prolongements qu'on peut faire à ce niveau-là. Et ça, c'est intéressant aussi, puis je trouvais, pour faire le lien avec le travail d'Annie, l'image même, et là, dans ce cas-ci, c'est sculptural, une image d'un paysage, un regard sur quelque chose, parce qu'il y a quelque chose aussi d'un paysage vu de haut, de loin, il y a quelque chose de très géographique, géomorphologique, oui. Presque, dans tes œuvres. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette idée-là de regard sur le paysage. Oui, puis comme Amélie puis Anne-Marie aussi l'ont mentionné, on n'essaie pas, en fait, dans toutes les propositions, personne ne traite vraiment du paysage d'une façon très, très conventionnel. Donc, pour moi aussi, dans mon travail, c'est plutôt d'évoquer ce qui a trait à la notion de territoire, de paysage aussi. Puis, en fait, tout ce que tu parles de plutôt géologie et tout, c'est sûr que je travaille dans ce cas-là à partir d'éléments naturels pour ce qui est présenté à regard. Des éléments naturels qui sont amassés, qui sont transformés, puis qui sont mis dans un nouveau contexte puis en fait j'explore un peu la relation entre ces pièces-là transformées puis leur nouvel environnement qui est un environnement qui est très très très vaste, très contemplatif, donc qui appelle à faire le tour, à avoir sa place aussi à l'intérieur là. Mm-hmm. On va prendre une courte pause audio, on va écouter un autre des bruits encore une fois ambiants, alors on rentre dans un autre espace musical cette fois-ci, et on revient avec la suite de cette entrevue avec les artistes qui présentent une exposition en regard. toujours dans nos studios Anne-Marie Proulx, Annie Charland, Thibodeau et Amélie Laurence-Fortin pour nous parler de cette exposition en regard les grands espaces. Et on parlait un petit peu tout à l'heure des dialogues qu'il y avait eu notamment, Anne-Marie, entre un peu ton travail et celui de Martin Desilets qui est juste à côté du tien. Il y a tout un rapport qui se crée entre ces différentes œuvres et c'est un peu ce qui est au cœur de l'expérience de l'exposition. Oui, au cœur d'une exposition collective aussi, c'est important de créer des dialogues. C'est important aussi puis c'est aussi la surprise, c'est quand on l'amène, puis c'est une surprise pour nous à regard, mais c'est une surprise pour les artistes aussi. Cette rencontre-là entre les œuvres, comment elles se parlent, puis dans le cas de Les Grands Espaces, les œuvres se parlent tellement d'emblée qu'il y a même pas de... Il n'y a même pas de confusion, en fait. On comprend que les œuvres sont singulières, qu'elles appartiennent à des artistes différents, mais on comprend aussi qu'elles fonctionnent définitivement ensemble, mm-hmm. autant au niveau chromatique qu'au niveau des formes. Comme, par exemple, ça, c'est un bon exemple, disons, les œuvres de Martin Desilets et l'œuvre de Laurent Lévesque, les deux sont dans ces espèces de mauves, les bleus, les gris, les gris-verts, puis ils se croisent dans l'espace, puis on passe notre regard passe de gauche à droite et on les voit constamment. Elles se répondent vraiment bien. Autant que d'une façon frontale, les œuvres d'Anne-Marie puis Annie vont se parler les unes dans les autres sans arrêt. Mm-hmm. Par exemple, je pense qu'Anne-Marie pourrait nous parler du choix de la photo du fond, parce que la photo centrale qui fait aussi notre affiche est vraiment représentative du jeu que Anne-Marie a eu particulièrement plus fort que les autres à l'intérieur de cette exposition-là, c'est-à-dire de demander ce que les autres artistes vont faire pour pouvoir choisir les œuvres qu'elle va rentrer à l'intérieur de l'exposition. Mm-hmm. Oui, ben en fait, je parlais tout à l'heure qu'il y avait une photo d'une photo. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a deux photos, mais il y a trois lieux. Donc, il y a le premier paysage qui est photographié. Ensuite, il y a le lieu où moi, j'ai photographié cette photo-là. Puis ensuite, le troisième lieu, c'est celui de la galerie. Mm-hmm. Donc, on est quand même en présence de trois endroits. Puis, la photo est agrandie à son maximum ou presque, là. Je pense qu'on pourrait l'agrandir encore, mais elle est agrandie au point tel où quand on s'en approche, on voit vraiment beaucoup le grain. Donc, quand on s'en approche, on la voit moins bien d'une certaine manière parce qu'elle est tellement agrandie qu'on peut pas en voir très bien les détails. On voit seulement sa matérialité. Mm-hmm. Mm. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'en entrevue, le soir du vernissage avec Martin Desilets, lui, ça l'avait beaucoup, beaucoup frappé, cette relation-là entre la matérialité de ses images à lui, la matérialité de la chromatique presque, là, de la densité qu'il y avait dans ses images, et tout le grain, le côté aussi très presque tactile qu'il y avait de ton œuvre à toi. Et j'aimerais qu'on écoute justement Martin parler un peu de ce rapport physique aux images. Les photographies, les images, de manière générale, circulent beaucoup. C'est du numérique. Elles sont dématérialisées. Ça se promène. On perd ce rapport-là qui est un rapport physique, un rapport au corps, aux images. Et puis moi, cet aspect-là m'intéresse beaucoup, donc la matérialité de l'image, et qui est pour moi le chemin qui permet de réinventer un rapport aux images, je pense. Quand on peut avoir un rapport au corps et un rapport physique à une image, ben on vit une expérience, on n'est plus dans le virtuel. Donc, ce rapport physique à l'image, et Martin parlait de réinventer le rapport à l'image. Pour lui, ça passe par ces nouvelles, se rapprocher de l'expérience. Je pense, en tout cas, pour ma part, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette exposition-là à regard parce que, justement, il y avait toutes sortes d'expériences et à la fois très différentes. Il y avait des moments très contemplatifs, d'autres qui étaient vraiment plus absorbants. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Alors, c'est vraiment une expo qui... Malgré le fait que c'est une expo collective qui n'a pas été pensée par les artistes comme une expo de groupe, il y a quelque chose de très, très cohérent qui fonctionne vraiment bien. Alors, félicitations à vous qui êtes ici. Félicitations aussi à la direction artistique. Je pense que c'est une des expos que j'ai vues récemment qui fonctionnait très bien. Alors, on invite évidemment tous les auditeurs, auditrices à aller voir ça. Et s'ils se déplacent, s'ils prennent une croisière vers Lévis, ils auront aussi la chance d'aller voir une autre exposition qui était dans le vernissage, était vendredi dernier. L'exposition Pas de fantômes qui est une exposition de Tim Messelier dans la vitrine des membres de Regards. Amélie, il y a toujours des expositions qui se passent dans cet espace-là bien précis. C'est un espace pour les membres, vraiment? C'est réservé oui, aux membres? Mais ça fait pas si longtemps que ça existe, en fait. Je l'ai mis en place en novembre 2014, donc on pourrait dire que maintenant, ça fait 2 ans exactement que cet espace-là existe. C'était dans ma volonté à moi de, à la fois, d'utiliser cet espace-là qui était un non-espace dans Regards, parce que Regards, avant, c'était un salon de quilles, puis il y avait 2 vitrines sur la rue. Donc, il y avait un espace qui était nécessairement celui de la galerie, puis un espace qui était un peu pas fini, on va dire. Puis des fois, les artistes pouvaient, de l'exposition principale, pouvaient mettre des œuvres à l'intérieur, mais je trouvais que c'était mal mis en place. Donc, j'ai travaillé pendant quelques mois avec l'équipe pour qu'on puisse créer un espace régulier de présentation professionnelle, puis inviter nos artistes membres, nos membres artistes dans ce cas-ci, à faire des propositions de vitrine. Donc, la vitrine, c'est un espace qui est toujours très, très ingrat. Mm-hmm. Parce que vitrine de magasin, il y a beaucoup d'œuvres qui ont travaillé avec cet espace-là, mais c'est toujours un espace très très étroit où on peut pas faire le tour des œuvres, on peut pas rentrer à mm-hmm. l'intérieur, donc c'est très limité. Puis pour moi, c'est un bon challenge. Oui, d'ailleurs, je pense que pour Tim Messelier, l'artiste qui présente en ce moment l'œuvre Pas de fantôme, l'exposition Pas de fantôme dans cet espace-là, ça l'a beaucoup marqué aussi cette idée-là de présenter dans une vitrine. Et d'ailleurs, il nous en glissait quelques mots. Alors, on écoute Tim Messelier. Ah mais attends, c'est comme une vitrine de magasin, mais attends, c'est pas une vitrine de magasin, mais c'est une vitrine de magasin, mm-hmm. mais c'est un centre d'art. Mm-hmm. Il y a ce truc un peu très très étrange où on sait pas vraiment sur quel pied danser, puis il mm-hmm. y a un malaise qui se crée, mais aussi on peut en rigoler, tu vois. C'est, mm-hmm. c'est vraiment ridicule, c'est absurde, mais c'est aussi sous-jacent à cette espèce de peur que les gens ont. Quand ils vont voir de l'art, puis ils ont peur de pas comprendre, c'est pas grave, tu vois. Mm-hmm. Enfin, pour moi, ça a jamais été grave de pas comprendre. Je pense que c'est important de pouvoir dire, genre, j'aime ou j'aime pas, tu vois. Mais après, si t'essayes pas de comprendre ce qui se passe devant toi, c'est peut-être un petit peu ta faute ça t'échappe, tu vois. Ce qui est intéressant là, dans son œuvre à lui, c'est que c'est le premier artiste depuis 2 ans qui nous propose une œuvre rotative. C'est-à-dire que normalement, les artistes vont proposer de grandes images qui vont couvrir la vitrine ou des vidéos ou des installations vidéo carrément, ou des petites œuvres qui se traînent dans l'espace. Mais lui, il a vraiment utilisé l'aspect vitrine de magasin, puis il l'a travaillé complètement pour que non pas le spectateur doit se déplacer autour de l'œuvre, mais l'œuvre se déplace pour mm-hmm. que le spectateur puisse l'apprécier. C'est intéressant. Oui, un espèce de mobile avec des chiffons, des guenilles, vraiment ce qu'ils appellent en Suisse, parce que Tim est d'origine suisse, ce qu'ils appellent des pattes, des guenilles, donc d'où le nom Pattes fantômes, qui est cette deuxième exposition qui est en ce moment présentée à Regards. Alors, un grand merci à vous trois de vous être déplacés en studio, Amélie Laurence, Anne-Marie et Annie. Merci énormément. Et oui. Mais juste pour rappeler que les heures d'ouverture de Regards ont changé depuis cette semaine. Donc, au lieu d'être ouvert du mardi au dimanche, on est maintenant ouvert du mercredi au dimanche. Donc, cognez-vous pas le nez contre la vitre et ne soyez pas fâchés contre la porte. Nous ne sommes pas ouverts le mardi maintenant, donc toujours midi à 17h. Puis l'exposition se termine le 18 décembre, donc juste avant Noël. Venez voir ça. Vous avez le temps d'y aller. Alors, merci beaucoup. Nous, on va se quitter le temps d'une petite pause publicitaire et on vous revient ensuite avec toutes sortes d'autres choses à l'aérospatiale. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour 1 an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 27 novembre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Liki BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Donc la première phrase, c'est les filles. Je suis la tête d'un nuage, vous chantez avec Coria. Les garçons, vous répondez. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. J'ai fait une chanson qui se voulait uplifting, c'est-à-dire une chanson qui nous élève. Parce que moi, c'est comme ça que je vois la culture. Ça élève les esprits, ça élève les consciences. Une ouverture vers la créativité avec Corias et 50 000 élèves à travers le Québec. J'ai la tête des nuages, j'ai les cœurs sur la main. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. En novembre, ne manquez pas au cinéma Le Clap, Le Pacte des Anges et Troll dès le 4 novembre, Chocolat et le secret de Ragnarok dès le 11 novembre, Pays et les animaux fantastiques dès le 18 novembre, Harry, portrait d'un détective privé, Smoke and Mirrors et Christine dès le 25 novembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. Le Théâtre Niveau Parking présente Fire Lake, Ville Minière, 1986. Mise en scène par Lorraine Côté. J'ai un trou à l'intérieur de moi, puis toi avec. C'est tellement grand que si on est d'un bord, on voit pas l'autre. Les habitants s'accrochent à ce qu'ils peuvent pour survivre. Tu penses que tu peux le remplir avec quelque chose? On pourra jamais le remplir, Joseph. Fire Lake, du 8 novembre au 3 décembre au Théâtre Périscope. Pour réservation, 418-529-2183 ou sur pointdevente.com. Alors, on est de retour en studio pour cette deuxième moitié de l'aérospatiale et avec nous, on a Marie-Claire Tremblay, notre chroniqueuse qui est venue nous rejoindre en studio. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir, bonsoir. Et cette semaine, ou en fait la fin de semaine passée, j'imagine, oui. Tu es allée faire un tour à l'exposition Infrastructure d'Aurel Ferrier qui est présentée à la bande vidéo. Alors, tu vas nous en parler un petit peu. Exactement. On va avoir la chance de vraiment discuter là, de façon plus large de toutes sortes d'enjeux qui sont reliés autour du fait de présenter son travail comme ça, et j'ai bien hâte qu'on puisse en discuter davantage. Alors, je te laisse poursuivre. Oui, bien c'est ça, justement, juste pour remettre en contexte un peu, tu sais, c'était l'idée justement d'aller visiter Méduse, tout ça, de trouver une expo de laquelle je parlerais, et ben j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à aller à Méduse, il y avait plusieurs propositions super intéressantes, j'ai rencontré des gens aussi, j'ai eu plein de discussions riches, nourries par ces expositions-là, puis au final, Sarah, j'avais vraiment de la misère à choisir de quelle exposition je parlerais avec un panorama. Puis allez-y, là, Méduse, en ce moment, ça vaut la peine. Il y en a plusieurs qui sont super intéressantes. Et là, je me suis dit, OK, ben je vais parler d'une exposition qui a eu une résonance particulière pour moi. J'ai vécu quelque chose dans une de ces propositions-là, quelque chose de vraiment personnel. Okay. Puis là, je me suis dit, ben ça m'a donné le goût de faire un petit éditorial là-dessus. Fait que c'est un peu une autre manière, un peu, de présenter l'œuvre. Fait que En première partie, je vais un peu vous expliquer ça, en fait, ce que j'ai vécu, puis ensuite, je vais le confronter à ce que j'ai entendu à propos de cette exposition-là, puisque l'artiste aussi en dit de son œuvre, qui est quand même quelque chose aussi d'important, mais j'avais envie de rappeler, j'avais envie de parler au grand public ce soir, puis avec mon travail de médiatrice, souvent, je vis ça comme situation. Les gens arrivent devant une œuvre, puis ils me disent « C'est quoi? Ça représente quoi? » dis-moi tout, qu'est-ce que l'artiste a voulu dire précisément, exprimer, alors que La première étape, c'est de regarder une œuvre. Tu sais, il y a plusieurs niveaux de compréhension à une œuvre. Et moi, j'avais envie, tu sais, de faire le saut, de montrer justement ma version très, très personnelle de ce que j'en ai compris, finalement. Puis, tu sais, des fois, je m'amuse quand je faisais des expos. Je me joue des tours, je joue. Je vais voir une expo sans rien savoir, oui. sans connaître l'artiste. Puis je m'amuse justement à me laisser guider par ma perception. Oui. Fait que c'est ça que j'ai eu envie de faire. Donc, tu l'as dit, je suis allée voir Infrastructure à la bande vidéo d'un artiste suisse qui s'appelle Aurel Ferrier. Puis tu sais, je vais quand même la décrire un petit peu pour que les auditeurs voient là, de quoi on parle. Donc, c'est une œuvre vidéo qui s'apprécie sur un grand écran dans la galerie de la BV, en fait, dans le noir. Et pour moi, ce que j'y ai découvert d'abord, c'est... ça s'appelle infrastructure, mais ce sont des lieux quand même qu'on découvre. Et qu'on découvre très tranquillement, puisque il y a comme un genre de plan-séquence, si le terme est bon, c'est-à-dire que la caméra glisse, avance vers l'horizon, et de plus en plus, on découvre ces lieux-là très, très lentement. Donc, il y a une lenteur vraiment excessive. Mm-hmm. Et il y a aussi une bande sonore qui est pas très présente, mais qui accentue l'effet de certains sons, de certains éléments qu'on voit. Et c'est plusieurs segments, donc plusieurs lieux. J'en nomme quelques-uns, là. Le chantier de construction, la rue de banlieue, le centre commercial, un genre de complexe à bureaux. On pense que c'est un complexe à bureaux parce qu'on est capable de lire « Welcome to New Work City », une passerelle de béton, puis un dernier tableau où est-ce qu'on a une route, en fait, et des gratte-ciels. Et ce qui frappe en premier, il y a quelque chose de particulier dans ces lieux-là, ils sont complètement vides. Il n'y a personne, il n'y a aucune présence humaine. Aucune présence humaine, presque un peu fantomatique. Puis moi, les mots qui me venaient en bouche, c'était post-apocalyptique, parce oui. que c'est vraiment étrange. Comme si on avait arrêté ces moments-là, on les avait vidés. Mais pourtant, on voit que l'escalator roule. On voit qu'on est dans une nature, tu sais, ben pas dans une nature, mais on voit l'effet du temps, donc on voit quand même qu'on avance, qu'on est en train de visiter ces lieux-là. Donc il y a vraiment une étrangeté dans ces tableaux. Puis ce sont des lieux un peu où il y a des choses utilitaires, donc il y a comme oui. une utilisation prévue, mais personne pour les utiliser. Exact. Alors on ressent exact. L'absence dans ces moments-là. C'est que ça fait pas trop de sens même, c'est ça. Puis moi ce que j'ai vécu justement, c'est parce que j'avais un acolyte avec moi et donc on a pu discuter. Ce que j'invite toujours à faire, j'aime toujours ça, pouvoir discuter d'une exposition, décrire ce qu'on y voit. Ça me fait penser à telle chose, ça me fait penser à telle chose. Et là, on s'est gâtés. Et le fait que cette œuvre-là est extrêmement lente, c'est vraiment propice à ça. Notre esprit part. Et là, nous, on s'amusait à deviner où est-ce qu'on était. Parce que c'est des lieux différents, mais on constatait. Puis ça, c'est encore une fois très personnel, parce qu'on est, on est des voyageurs, on a l'habitude de découvrir des lieux, de découvrir les détails. Puis là, on se disait, où est-ce qu'on est là? Ah, on est en Europe, regarde les plaques des voitures, on est capable de voir ça. Des fois, on voyait les plaques des rues. Donc, tu vois, un réflexe... Chercher ses repères tout de suite. Chercher ses repères tout de suite. Et là, on devinait qu'on était dans plusieurs pays différents, en fait, c'est ce qu'on pensait. Puis en plus, on dirait que l'artiste jouait avec nous parce que il brouillait les pistes. Donc, on n'arrivait pas à savoir tout à fait où est-ce qu'on était. Puis en plus, on sentait, en plus de brouiller ces pistes-là, on sentait aussi qu'il y avait peut-être comme unifié ces lieux-là ou enfin, il les a choisis pour certaines raisons. On sentait qu'il y avait cette démarche-là là-dedans. Parce que de un, oui, il était vide, mais il a d'autres caractéristiques communes. Il y a des lieux qui étaient comme étrangement très, très, très propres. Moi, j'ai remarqué beaucoup les planchers. Presque aseptisés. Très aseptisés. Puis là, moi, ce qui me marquait beaucoup, c'est toujours ces détails-là de notre société nord-américaine. Puis je t'ai dit, j'avais l'impression parfois qu'on était en Europe, qu'on était, je l'ai pas nommé, mais je me disais, est-ce qu'on est en Islande? Parce que je voyais des caractères qui faisaient penser à cette langue-là. Mais détail typique de notre société, les grosses voitures, les VUS, tout alignés les uns à côté des autres, vraiment énormes. Je remarquais beaucoup ça, les maisons en rangée, le béton, les commerces de détail, donc qui me faisaient penser à la consommation, le gazon tout coupé. Donc, comme un genre de perfection, tu sais, dérangeante, qui au final finissait par me déranger, quelque chose comme d'un peu artificiel. Moi, j'avais... Mm-hmm. Perso, ce feeling-là, un peu. Est-ce qu'il y avait un sentiment presque inquiétant qui venait avec cette perfection-là? Il y a quelque chose... Ben déjà, l'absence nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche. Mm. Mais en plus, quand tout est coupé égal, il y a cette peur-là de l'uniformisation, de l'aseptisation. Oui. Donc, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Tu vois, mon esprit voguait vraiment vers ça. Puis même que j'ai pris en note comme inconfort, qui est quand même quelque chose de gros, là. Tu sais, t'es assis dans une salle et je vis un inconfort devant cette œuvre. C'est pas que je m'amuse pas, c'est pas que je la trouve pas intéressante, mais je vivais un certain inconfort. Et je me disais, ben voilà, est-ce qu'on parle d'un genre d'idéal nord-américain? Est-ce qu'on parle d'une uniformisation? Puis ça avait une résonance particulière. Et là, j'arrive à ça. Pourquoi? Oui, j'ai voyagé. J'ai le regard un peu aiguisé à ça, mais dernièrement, je suis allée en Inde. Et ça a fait partie un peu de mon choc de découvrir ce pays-là. C'est qu'il y avait certains endroits comme ça que j'ai vus en Inde qui faisaient pas de sens. Mm-hmm. Des hôtels de luxe en plein milieu d'un pays où est-ce que les gens vivent de manière très, très modeste, où est-ce qu'il y a beaucoup de pauvreté. Il y avait des hôtels de luxe avec les planchers trop propres, les voitures aussi. Donc, j'ai l'impression que j'étais comme plus sensible à ça. Fait que tu vois, toute ma perception est... À limite aussi très, peut-être un peu émotive, hein? Je mm-hmm. reflète ce que je suis dans l'œuvre, mais c'est pour vous dire, tu sais, il y a une autre manière de comprendre une œuvre, puis je pense pas que, même si c'est peut-être pas tout à fait ce que l'artiste a voulu dire dans cette œuvre-là, ben, c'est pas faux, tout à fait. Ça fait partie de ce qu'il a voulu décrire dans cette œuvre-là. Fait que c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui au grand public qui nous écoute, je l'espère. Oui. Faites-vous confiance, osez regarder les œuvres, osez réfléchir, être curieux, être libre aussi dans la découverte d'une œuvre. Mm-hmm. Être proche de sa propre expérience. Ben, je pense que c'est pas une mauvaise manière de faire. C'est intéressant après de s'informer sur l'artiste, de confronter sa perception à ce que l'artiste a voulu dire. Là, c'est d'autant plus riche, en fait. Et dans ton cas, c'est peut-être un scoop que tu me mets dans... comment ça a été cette confrontation de ta perception, ton interprétation, ton expérience de l'œuvre versus ce qu'il y avait... ce que tu as pu lire ou ce que tu as pu écouter? Ben, il y a des choses... J'ai compris certaines de mes perceptions, puis il y en a d'autres que j'avais moins vues. Par exemple, tu sais, le titre, c'est quand même infrastructure. Pour lui, ce qui est important, c'est le bâti. Mm-hmm. Alors que moi, j'étais beaucoup dans l'expérience des lieux. Mm-hmm. Et donc, pour lui, le personnage principal, si on veut, c'est... ben moi j'ai infrastructure, ben les structures, le construit. Mais par contre, j'ai trouvé un passage dans une entrevue où est-ce qu'il dit que les infrastructures parlent de nous, de la manière dont on vit, de nos valeurs. Donc là, je me disais, bon, ben je suis pas si loin que ça, en fait. Ouais. Et il y a un autre élément qui est assez intéressant, c'est que c'est un artiste dont le papa était architecte, et ça vient d'une expérience d'enfance que de visiter ces lieux un peu vidé, structure, ben c'est pas très précis, mais est-ce qu'il a visité certains sites en construction vidés, et cette expérience-là du jeune enfant devant le vide, le jeune enfant qui laisse aller sa créativité et son imagination, lui appelle ça la métaphore du playing child. Donc j'ai peut-être été le playing child dans son univers, dans son œuvre. Ouais. Puis on sent aussi que, tu sais, parce que j'ai décrit l'idée de la lenteur de ces moments-là arrêtés, qui était propice à se laisser aller, c'était quand même important pour lui. On sentait que ces moments-là dans son œuvre, il appelait ça les temps morts. Mm-hmm. Ces moments-là aussi étaient importants. Donc dans un certain sens, il laissait place aussi à tout ça. Donc, ouais. une œuvre à aller faire, votre propre expérience aussi à la bande vidéo. Alors, cette œuvre infrastructure d'Aurèle Ferrier. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour ce retour et ces réflexions sur l'expérience d'une exposition, en fait, sur l'expérience d'une œuvre. Alors, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Oui. Et de notre côté, on fait une courte pause musicale et on revient pour une dernière entrevue, cette fois-ci avec Edith Brunette, pour parler des Journées sans culture. Alors, on est de retour pour cette dernière portion de l'aérospatiale et on a avec nous au bout du fil Edith Brunette. Alors, bonsoir Edith. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de t'avoir au bout du fil. J'imagine que tu nous téléphones de Montréal. On t'a demandé de te joindre à l'émission ce soir pour nous parler un petit peu plus en détail de cette initiative qui est la Journée sans culture. Initiative qui était, si je ne me trompe pas, vraiment à la base un seul événement, un événement collectif qui avait lieu en automne 2015 et qui finalement, avec notamment, bon, il y a eu d'autres projets qui ont suivi, mais là, il y a une publication aussi qui vient de paraître. C'est devenu un projet presque tentaculaire, cette Journée sans culture. Ben, en tout cas, c'est un projet qui essaye de se poursuivre, là, parce qu'on pense qu'il y a vraiment un besoin pour ça dans le milieu culturel, un peu reprendre l'initiative de la parole du côté des artistes et des travailleurs culturels, plutôt que des politiciens, des administrateurs, des mécènes, enfin de tous les gens qui décident de faire de la culture ce qu'elle devrait être, sans toujours demander l'opinion de ceux qui la font, finalement. Mm-hmm. Oui, puis juste simplement le mot culture, il y a certains mots aussi, certains termes qui sont devenus très associés à les industries créatives, tout ce qui est un peu une réappropriation aussi parfois de ce qu'est l'art. Et j'ai l'impression que dans la Journée sans culture, il y avait une volonté de se réapproprier un peu, de reprendre le contrôle sur cette... cette utilisation, en fait, de la culture au sens large, de l'art? Oui, bien, peut-être d'au moins prendre le temps de réexaminer les usages qu'on fait de certains mots qui parfois s'imposent à nous, notamment à travers les formulaires, des demandes de bourse ou enfin d'autres documentations, d'autres discours qu'on doit produire pour interpeller les gens qui vont venir investir de l'argent ou enfin être des partenaires financiers ou autres pour nous permettre de développer notre art, nos pratiques, de le présenter. Et puis oui, la question de la culture, c'est que ça finit par englober un peu l'art, mais sans penser à nécessairement faire une distinction ou à s'assurer que dans ce qu'on dit qu'on finance au niveau culturel dans les gouvernements, ça porte une attention réellement aux pratiques artistiques et pas juste à une culture englobante, à tout fourre-tout, dans laquelle tout et n'importe quoi peut être peut être produit, je pense par exemple au gouvernement Harper, qui pouvait se vanter d'avoir augmenté les investissements en culture, même si c'est pas quelque chose qu'on attendrait d'un gouvernement conservateur. Et la raison pour laquelle il pouvait dire ça, c'est que dans la culture, il incluait n'importe quel magazine populaire ou chrétien, et puis le Stampede de Calgary. Mm-hmm. Donc l'art finit par être vraiment dilué dans un grand mot qu'on emploie un peu dans des sens multiples. Oui, puis aussi, j'ai l'impression, en lisant un peu plus sur les idées qui sont derrière, qui appuient ce projet-là. Il y a aussi une volonté, si je ne me trompe pas, de promouvoir ce qui ne fait pas nécessairement toujours consensus, ce qui est la diversité à l'intérieur même de l'art, des différentes pratiques. Je lisais, entre autres, ce qui est peut-être votre manifeste qui s'intitule « Étant donné », qui fait un peu un état de fait de la situation. Et puis, il y a une phrase qui m'a vraiment frappée, et où on parle de politique culturelle qui devrait appuyer la création et non la diriger. Donc, est-ce pas nécessairement aussi une idée de résistance ou de est-ce que le mot rébellion serait trop fort? Rébellion, je sais pas. Ou moins sur le plan intellectuel. Une résistance, c'est résistance, et je pense que le mot réappropriation que tu as utilisé tout à l'heure était très juste, dans le sens où on veut la journée sans culture, disons en octobre 2015, elle se présentait à la fois comme une grève, donc quelque chose qui marquait un arrêt, et une journée de discussion et de rencontre pour les gens du travail du milieu artistique, dans laquelle on pouvait vraiment agir et se rencontrer et s'organiser, donc pas simplement ne pas faire, mais aussi faire, mais à notre manière, donc cesser de produire dans des termes qui sont pas les nôtres, et puis qui nous dépossèdent aussi à un point où je pense qu'on le constate beaucoup dans le milieu artistique. En tout cas, là-dessus, il semblait y avoir un consensus pratiquement là, dans les discussions qui avaient eu lieu l'an dernier et depuis la publication. C'est que les travailleurs du milieu des arts sont épuisés. On travaille très, très fort, on travaille avec très peu de moyens, et puis les exigences administratives qui nous sont imposées pour réussir à récolter le très peu de fonds publics ou privés qui est investi ou qui est placé en culture, ça demande des sommes de travail de plus en plus grandes. Oui, et donc cette volonté-là aussi bon, c'est sûr que tout l'aspect de travail bénévole, les artistes le font, ils collaborent entre eux, il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup qui sont mis dans la production dans votre projet. Il y avait aussi dans cette initiative-là, il y avait une volonté que ça soit quelque chose de qui produise une action, qui produise quelque chose, un discours positif en fait. Est-ce que la publication que vous venez de lancer s'inscrit aussi dans cette idée-là d'amener des outils dans le monde, d'amener quelque chose de productif? Oui, ben ça fait un peu la suite de la journée de 2015. C'est une manière de reprendre les conversations qui avaient eu lieu à ce moment-là, de les développer, puis ensuite de les porter vers d'autres lecteurs, d'autres interlocuteurs, puis de la faire voyager aussi, comme la publication. On s'est assuré que tous les textes soient traduits en français et en anglais, ce qui va nous permettre de la faire circuler avec un peu de chance dans le Canada anglais ou peut-être même ailleurs, vu que les politiques culturelles sont relatives, elles sont pas identiques évidemment, mais elles semblent progresser dans une même direction, que ce soit en Colombie-Britannique ou au Québec, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, c'est-à-dire vers des politiques qui s'ajustent au marché. Oui, c'est un problème qui traverse aussi d'ailleurs différentes disciplines. Votre collectif, il est transdisciplinaire. Il y a des gens qui viennent de différentes branches des arts au sens large. Et la publication aussi, je pense que c'est un élément qui est important de le mentionner. Il y a une publication papier qui existe, qu'on peut se procurer, mais également dans un but de la distribuer de façon plus large. Elle est en format PDF également. Oui, elle est accessible sur le site de la Journée sans culture, dont l'adresse est journeesansculture.ca, et dans l'onglet publication, le PDF le PDF est accessible. Donc, il est partageable dans, sous plusieurs formes et dans plusieurs réseaux pour un peu poursuivre la réflexion, si je comprends bien, autour des enjeux qui sont ressortis de cette journée sans culture qui a eu lieu l'année passée. Oui, absolument. C'est vraiment un outil à s'approprier, à partager, prolonger la réflexion. Il y a c'est sûr qu'on énonce beaucoup des problématiques, mais on propose aussi peut-être des voies plus positives avec lesquelles travailler ou du moins avec lesquelles réfléchir à ce qu'on fait. S'arrêter, réfléchir, c'est un peu l'axe central du projet Journée sans culture. Mm-hmm. Et se rassembler aussi, un aspect très rassembleur. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura vraiment une deuxième mouture de cette Journée sans culture? Ça, c'est un peu le mystère. après la journée qui avait eu lieu au Théâtre Les Écuries en octobre 2015, il y a eu quelques autres événements. Il y en a eu un au Centre d'artistes La Centrale sur la place des femmes en culture. Et puis, bon, il y a eu le lancement. Je pense qu'il y en a eu un autre aussi qui m'échappe en ce moment. Mais, en fait, tous les gens dans l'organisme sont bénévoles. Mm-hmm. Pas un organisme enregistré, mais en tout cas une organisation. Tout le monde est bénévole. C'est vraiment beaucoup de travail. Puis là, ben, on essaie de s'assurer d'avoir une relève pour pouvoir poursuivre les activités. Mais oui, on aimerait vraiment ça parce que les questions sont pas closes et mm-hmm. je pense qu'elles deviennent de plus en plus urgentes. Urgentes, effectivement. Bien, on invite, s'il y a des gens parmi nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui seraient intéressés à vous contacter, vous avez le site web et vous avez également une page Facebook où on pourra suivre le développement de ce projet très intéressant pour la réflexion. Alors, merci énormément de t'être joint à nous ce soir, Edith, et on pourra aller poursuivre la réflexion en lisant notamment la publication ou peut-être en participant à une prochaine édition de cette Journée sans culture. Oui, absolument. Merci. Merci, au revoir. Et de notre côté, donc, pour cette fin d'émission, on vous rappelle un petit peu les événements qui ont lieu cette semaine en art visuel à Québec. Alors, beaucoup de belles expos, mais vous aurez jusqu'à la fin de semaine pour voir l'exposition inédite, une exposition collective des artistes de la Galerie Lacerte et également l'exposition de Michael Smith à la Galerie Michel Guimond. Et ce mercredi 9 novembre, il y aura le vernissage de l'exposition Inverted Barricade de Adrian Blackwell à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Donc, dès 16h, il y aura également une rencontre de discussion avec l'artiste. Alors, c'est un événement à ne pas manquer. Et le vernissage de l'exposition Percer le sublime de Catherine Barry, sa première exposition solo en 5 à 7 dans l'Aquarium du Cercle. Et également, en fin de semaine prochaine, du 11 au 13, c'est le Festival international du film sur les métiers d'art au Musée national des beaux-arts du Québec. Alors, c'est donc ainsi que s'achève notre édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez nous rattraper en balado-diffusion sur notre page web, l'aérospatiale.crl.wordpress.com. Vous pouvez également suivre notre page Facebook et Instagram. Et alors, un grand merci à toutes nos invités, ces artistes de regard et notre chroniqueuse Marie-Claire Tremblay, Jacques Gignac, notre magicien des ondes et nos comparses Jean-Tiane Lafrance et Audrey Caro qui nous écoutent à distance. Alors, demeurez à l'écoute de CKRL, car Pierre Blais et son équipe vous attendent de l'autre côté de la pause pour discuter de cinéma. Allez, à l'émission Situation critique. Bonne semaine à tout le monde. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL. Québec. L'Orchestre symphonique de Québec a le grand plaisir de recevoir le pianiste François-Frédéric Guy, qui interprétera, sous la direction de Fabien Gabel, un joyau du répertoire pour piano, le 5e concerto de Beethoven. Aussi au programme de la soirée, la symphonie fantastique de Berlioz, chef-d'œuvre romantique de la musique symphonique française. Rendez-vous au Grand Théâtre de Québec le 9 novembre à 20h ou le lendemain en matinée. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite,